m'étais pas trompé. Je l'ai trouvée jolie, je n'ai fait que rêver. Je n'ai rien fait de plus, sinon de l'embrasser. Ça n'arrivera plus d'ailleurs, elle ne m'a pas aimé. Mais non, je ne t'ai pas trompé. Elle ne m'a rien promis, elle ne m'a rien donné. Demain, je tournerai la page de mon livre d'images et j'oublierai son nom. Demain, j'oublierai son visage, je redeviendrai sage, nous recommencerons. Pardon si je t'ai fait souffrir, mais je ne sais pas mentir, je l'ai trouvé jolie. Je n'ai rien fait de plus, sinon oublier. Ça n'arrivera plus d'ailleurs, elle ne m'a pas aimé. Tu vois, je ne t'ai pas trompé. Je l'ai trouvé jolie, je t'ai trouvé changé. Page de mon livre d'images et j'oublierai son.